franceinter.fr. À votre écoute. Coûte que coûte. À votre écoute, coûte que coûte. Anima sana. In corpore sano. Un esprit sain dans un corps sain. L'esprit, c'est elle. Le corps, c'est lui. Docteur Philippe. Et Margaret de Beaulieu. Ma Marga, si je te dis Amiens. Oh, facile, je te réponds cathédrale. La cathédrale d'Amiens. Oui, et bien justement, pas seulement. Figure-toi que se trouve à Amiens la plus forte concentration de musulmans du nord de la France et qu'il n'y a pas que la cathédrale, puisque la ville compte aussi 15 lieux de culte musulman. Ouh. Et oui, 8 salles de prière indépendantes et 7 mosquées. La mosquée An-Nour, la mosquée Al-Fat, la mosquée Al-Badr, la mosquée Masjid Al-Moussinin, la mosquée Souna, la mosquée Chekar et la mosquée du 19 qui abrite également l'association des musulmans de Picardie. Eh ben mon cochon. Ah ben non, pas de cochon. Eh ben mon cachère. Ben non, halal. Ah oui, c'est vrai, c'est halal. Eh oui. Alors qu'ils ne viennent pas nous dire après qu'ils sont obligés de prier dans la rue. Si ça se trouve, il y a même un couscous Picard. Ah oui, j'en ai déjà acheté. Ah bon? Bah oui, entre l'émission, le cabinet, les enfants et toi, je te cache pas qu'un petit surgelé de temps en temps. Hein. Non, c'est parce que c'est en Picardie, Amiens. Pour ça que oui, j'ai... on sait, merci. Bonjour Anne-Laure d'Amiens. Bonjour Margaret, bonjour docteur. Philippe, bonjour. Alors Anne-Laure, halal? Ah là, non, non, non. Ah. Alors comment peut-on vous aider? Alors voilà, j'ai 21 ans et il y a 6 mois, je suis tombée enceinte. Et bon, ben, en fait, on a décidé d'avorter, quoi. Vous êtes mariée? Ben oui, puisque... Ouais, oui, oui, oui, oui, mais enfin, vous savez, de nos jours, on voit de tout. Vous avez avorté quand? 3 semaines après. Écoutez, c'est déjà bien, hein, de l'avouer. Oui, mais enfin, c'est pas facile. J'imagine. Ni pour vous, ni pour votre mari, ni pour votre famille, qui aujourd'hui doit se demander à qui aurait ressemblé ce petit bébé. Hein? Oui, c'est très très dur. Oui. Vous avez subi cette interruption volontaire de grossesse, puisque c'est ce que signifie hein, l'acronyme IVG, en utilisant quelle méthode, chimique ou chirurgicale? Ça faisait que 3 semaines, alors chimique. Et oui, 3 semaines et déjà un être en devenir, et c'est vrai que c'est déchirant hein, de devoir se résoudre, enfin, en tout cas de faire le choix hein, d'interrompre cette petite vie qui commence à peine. Ah oui, mais vous savez, je culpabilise déjà beaucoup. J'ai été poussée par mon mari et toute ma belle famille qui trouvaient qu'on était trop jeunes. Mais c'est votre corps! Les femmes se sont suffisamment battues pour avoir le droit de choisir, le droit de disposer de leur corps. Personne ne peut décider à votre place. Hein. Mais je le sais, Marga, mais je me suis laissée... j'ai subi une telle pression que... Bon, ben, en plus, on n'a pas d'argent. En ce moment, on habite chez mes beaux-parents. Je suis étudiante. Oui, bien sûr, voilà. Je vous comprends. Mais c'est dommage que vous n'ayez pas, justement, profité du fait de vivre avec vos beaux-parents pour qu'ils vous aident à vous occuper de votre enfant. Vous étudiez quoi? Je fais une école d'infirmière. Oui, bon, ben, en plus, vous auriez pu interrompre vos études. Infirmière, ça se reprend quand on veut, ça, c'est pas très... Hein, je veux dire, c'est pas médecine, quoi. Et votre mari, il fait quoi? Il est étudiant en droit. Alors, il y a une chose que je ne comprends pas bien. Vous êtes suffisamment mûre pour vous marier, mais pas assez pour assumer un enfant? Non, mais je vous ai dit que j'étais prête à l'assumer, moi, mais je me suis laissée embobiner. Mon mari, qui me disait que comme il travaille le soir pour payer ses études, il n'aurait pas pu dormir. En plus, il n'y a que 2 chambres chez ses parents, que ça faisait une bouche de plus à nourrir. Ah oui, enfin, ça, vous pouviez l'allaiter, hein. Mais je sais, c'est ce que je leur ai dit. Ah, quel gâchis. Oui, bon, écoutez, en tout cas, ça ne sert à rien de culpabiliser. Mais si, ça sert au moins à prouver que madame a un cœur. C'est pas comme certaines qui font ça par-dessus la jambe, si je puis dire. Ah oui, ça c'est vrai, j'ai un cœur. Oui, c'est vrai que beaucoup de jeunes femmes eh bien, profitent de ce que j'appellerais une IVG de confort. Alors, une IVG de confort, qu'est-ce que c'est? Eh bien, il s'agit d'une certaine catégorie de femmes qui utilisent l'IVG comme un moyen de contraception et qui trouvent que, finalement, avoir un enfant, c'est pas très confortable. Voilà, c'est un peu comme si on se disait « Bon, ben, j'ai un billet en classe éco, mais c'est plus confortable en business, alors tant pis, je tue mon enfant. Ce qui compte, c'est que j'arrive pas trop fatigué à destination. » Voilà, et en plus, il faudrait que le billet soit remboursé par la Sécurité sociale, Philippe. C'est vrai. Et j'arrive pas à m'arrêter de penser à ce qu'il aurait fait dans sa vie. Oh, mais ça sert à rien, ça. Je sais, mais parfois je me dis, si ça se trouve, t'as tué Mozart. Oh, vous pouvez pas dire ça. Non, je sais pas tuer, mais enfin bon... Non, mais Mozart... Vous pouvez pas dire Mozart, c'est pas un bon exemple. Oui, vous pouvez dire, j'ai peut-être tué le futur Mozart, mais ça, on ne saura jamais. Et puis une vie gâchée, ça suffit. C'est trop tard. Arrêtez de culpabiliser. Oui. Bon, et puis si ça se trouve, hein, c'est un nouveau Hitler. Mais, on vous a dit d'arrêter de culpabiliser. Mais oui, promis. Et vous savez quoi, Anne-Laure ? Arrêtez de parler de tout ça. C'est la psychothérapeute qui vous le dit. Ça ne sert à rien de parler de ce qui fait de la peine. Retombez enceinte, et puis cette fois, pas de blague, gardez le secret. Et puis un jour, vous direz à votre mari, bah, dans 3 mois, tu vas être papa. Nous, les nanas, on en a suffisamment brûlé des soutifs pour pas avoir à rendre des comptes aux mecs. Bah alors, Marga, dis donc. Bah ouais, notre corps, nous, ça appartient. Notre corps, nous. Pas vrai, Anne-Laure ? Ah oui, c'est vrai. Alors là, c'est la révolution des nanas dans le studio. Hein. Bon, Yann Chouquet, on va boire une bière. Bon, dis donc, attention, je te préviens, si tu vas boire un verre, ce soir, tu comptes pas sur moi pour débarrasser ton assiette. Bon, bah merci à tous les deux, en tout cas. Hein. Et je vais faire ce que vous m'avez dit, Marga. Merci, docteur. Et j'adore vous podcaster. Oui, nous écouter en balado, diffusion. Au revoir Anne-Laure, vous nous enverrez des dragées pour le baptême. Oui, c'est sûr, ça, c'est sûr. Au revoir, elle est adorable. Et oui, je rappelle que nous respectons évidemment les choix, hein, quels qu'ils soient, de toutes les femmes. Mais en tant que thérapeute, nous prendrons toujours le parti de la vie. Un bébé est une façon pour Dieu de dire que le monde doit continuer, nous a dit Doris Smith. Et je pense qu'il est important de laisser résonner ces belles paroles. Oh que oui. Merci Philippe, merci Yann Chouquet d'avoir mis en onde cette émission. Au revoir. Au revoir. À votre écoute, coûte que coûte. C'est aussi vos commentaires sur franceinter.fr. Dans un instant, carnet de campagne avec Philippe Bertrand.